Le Club Tech 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Les Rouges, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, la mise en onde derrière la console, et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour cette dernière émission de l'année 2016, puisque les deux prochains samedis, la station est fermée en raison du congé des fêtes. Et on a ce soir quelques nouveautés, également des deuxièmes extraits de nouveautés que Michel vous a présenté et que je vous ai présenté le mois dernier. Et également une petite rétrospective, on fait un petit retour là, sur plusieurs bons disques qu'on a découverts à l'émission pendant l'année. Et il y en a tellement, ça sera pas nécessairement nos choix des meilleurs albums si on veut, mais on a pas mal de beaux matériels qu'on découvre à chaque année. On se rend compte de ça quand on fait une rétrospective. On se souvient pas toujours là, de tout ce qu'on a connu à travers l'année. Alors on va en parler un peu plus tard, puis ça vous donnera peut-être des idées pour des cadeaux de Noël. Alors on va débuter avec une nouveauté italienne, un nouveau groupe, La Bocca della Verità. Et donc La Bouche de la Vérité, c'est un monument célèbre également en Italie, La Bocca della Verità. Et donc c'est dans un nouvel album, c'est un album concept dont le titre est Ave Note. On a l'impression que c'est l'histoire d'Ave Note. Là, je connais pas assez l'italien pour vous dire, et je l'ai écouté cette semaine seulement. Là, je le découvre. On aura un extrait d'une longue suite, parce que si on veut faire jouer beaucoup de musique, on peut pas toujours faire jouer les longues suites. Là, celle-là, c'est une de 15 minutes. On aura la fin, une dizaine de minutes vers la fin de cette pièce intitulée La Suite dei Tre Pianeti, donc de La Bocca della Verità. Ensuite, Fatal Fusion, ça c'est un de mes coups de cœur là, dans les dernières semaines. Fatal Fusion de la Norvège, c'est vraiment très bon. Total Absence, c'est leur meilleur, leur troisième. Et vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Ça sera la pièce titre de Fatal Fusion. Michel, vous en avez présenté une pièce la semaine dernière, une plus courte. Là, vous allez sentir tout le potentiel de ce groupe. Dont le plus récent album a également paru en 2013, était excellent. On aura également de la Pologne une autre nouveauté, SBB. SBB, c'est un groupe qui roule depuis les années 70. Ils ont beaucoup d'albums en carrière, puis là ils reviennent avec la formation originale pour cet album-là. C'est chanté en polonais, et c'est le titre de l'album, c'est Zalinia Horizontu. Et on aura la suite à Number 9, ou numéro 9. On a également Violeta de Otono du Brésil. Ça, c'est très, très, très bon. Je pourrais vous situer ça, un mélange de Camel avec Gong. C'est un excellent disque. Ça aussi, je pense que c'est leur meilleur album jusqu'à maintenant. Vraiment très, très, très bon. L'album Spaces, on aura donc un second extrait de cet album-là intitulé Cidade Extinta. Mais tout d'abord, on débute avec La Boca de la Verita. Thank you.

We'll be right back. le groupe polonais SBB. SBB. Donc, c'est un groupe qui a débuté dans les années 70. Ils ont fait paraître entre 1975 et 1980 10 albums. Et ensuite, ils ont terminé, ils ont pas fait d'album avant le début des années 2000. En 2002, ils ont fait un retour et depuis ce temps-là, c'est leur 7e album. Entièrement chanté en polonais. Za Linia Horizontu, le titre de l'album. Et c'était la pièce suite numéro 9. Juste avant, il y avait eu, de la Norvège, Fatal Fusion. C'est leur 3e album. Total Absence, le titre de l'album. Et c'était la pièce Total Absence. On avait débuté l'émission avec La Boca de la Verita, tirée de... c'est une nouveauté. Ave Not. Et c'était la pièce La Suite dei Tre Pianeti. Et c'est un extrait, en fait, de cette pièce. Parlant de ce qui s'en vient, demain, à l'Anti, il y a le Noël Prog avec Inner Odyssey, Universe Effects, Ill Ward et Contemplator. Je pense que ça coûte genre $5 l'entrée. Et ça vaut la peine d'aller voir ça. Le 7 janvier, au Centre d'art La Chapelle, Inner Odyssey avec The GG Project. On aura House de Montréal le 27 janvier au Cercle. Ensuite, une série de concerts. Neil Morse Band le 1er février à la salle Jean-Paul Tardy. Ensuite, le 19 février, Saga. Le 16 mars, il y aura Red Sun, La Chapelle, leur nouvel album. Le 8 avril, IQ. Le 5 mai, Anglagarde. Tout ça, c'est aussi la salle Jean-Paul Tardy, IQ et Anglagarde. Ce qu'il ne faut pas manquer, surtout le festival Terra Incognita, le 20 et 21 mai 2017, avec Universe Effects, Eden Song et Glass Hammer pour la première journée, le 20 mai. Et le 21 mai, Il Paradiso degli Orchi, Comedy of Errors et Host Sonaten et Fabio Zuffanti. Ça va nous faire un beau début d'année. Là. On parle juste de 5 mois dans l'année et ça fait énormément de concerts. On ira d'ailleurs avec une pièce de Eden Song, Years in the Garden of Years, la pièce Down the Hours, juste après. Et également le nouveau disque de Gösta Berling's Saga, dont on avait eu une pièce... la dernière émission, mais là l'album est paru hier et c'est l'album Sersofane, leur 4e album. Alors on y va tout de suite en musique avec Eden Song. You never gain what is in the watch race. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. CKRL vous souhaite de très joyeuses fêtes. Yo! À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle... Mais voyons, il y avait juste deux styles musicaux? Non, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui se faisait. La série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente quatre carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec. Et les cocotiers glacés Lindbergh de Robert Charlebois et Louise Forestier. Lindbergh et plusieurs autres de ses compositions sont considérés comme de grands classiques. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Mais on peut affirmer que Charlebois était tout sauf politically correct. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. Saint-Pierre-Neuf. Familial Rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech 62 des Chênes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouges, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouges au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Retrouvez l'Orchestre symphonique de Québec et le chœur de l'OSQ pour la deuxième édition de Hollywood en famille. Au programme cette année, les plus grandes musiques de films d'aventure, de Noël et de super-héros dans une mise en scène de Veronica MacDissey-Warren. C'est un rendez-vous avec James Bond, Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux et tant d'autres. Hollywood en famille 2, présenté jeudi 15 et samedi 17 décembre à 19h30 au Grand Théâtre de Québec. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Signé et doublé. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? Pendant le temps des fêtes, CKRL double le nombre de diffusions de votre promotion à la signature de votre contrat. C'est facile. Signez et doublez. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Contactez notre département des ventes au 418-640-2575, poste 209, pour connaître toutes les options qui vous sont offertes. Cette offre prend fin le 6 janvier 2017. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe suédois Gösta Berlings Saga. Leur quatrième album, leur nouvel album qui vient de sortir hier. Sursofane, c'était la pièce Construction, une courte pièce d'introduction. Et juste avant, l'excellent Years in the Garden of Years du groupe Eden Song, un groupe américain. Et la pièce Down the Hours, ça déménage, puis c'est dynamique. C'est un très bon disque, ça, vraiment. On parle d'album, je vous parlais qu'on on regarde un peu la quantité de bons albums qu'on a découvert cette année. Eden Song est de ceux-là. Moi, j'ai eu un coup de cœur en tout début d'année pour Mad Fellas, qui est un groupe italien. C'est chantant en anglais, par contre, avec une voix féminine. Et Mad Fellas 2. Et ça a été un de mes coups de cœur, un de mes premiers coups de cœur de l'année. Ensuite, il y a eu Ample Deed, groupe américain avec Biob, leur second album. Big Big Train, Folklore, on entendra une pièce tout à l'heure. Je pense que c'est aussi un des bons disques. Il y en a tellement de disques, de bons disques rock progressif. Dans ce qu'on a également... connu. Groupe du Québec, Vecteur K, et leur second album, un bel album, Incident au Café. Sur ça, il y a une pièce, 714 Park Avenue, une pièce sur laquelle Serge Loca de Harmonium joue. Et ça ajoute, là, c'est vraiment super. Là. C'est une très bonne pièce, puis on va écouter également Vecteur K. Qui est dans les bons albums qu'on a découverts en début d'année. Je vous parlais d'autres albums. En début d'année, il y a eu Les Paradiso degli Orchi, qui est le groupe produit par Fabio Zuffanti. Michel nous avait fait découvrir ça en avril. Et puis, j'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. Quand j'ai su qu'il venait en plus au festival, waouh! C'est super intéressant. Il y a eu également Nemrud, leur album Nemrud qu'on a connu à l'émission. On a eu récemment le dernier Neil Morse qui viendra le 1er février prochain, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu Steven Wilson aussi, 4,5. C'est sûr que c'est un mini-album, alors on en parle moins, mais ça reste que on sait que Steven Wilson va faire un album probablement pour l'année prochaine. Il y a eu Radiohead aussi, tantôt les gars des Illusions Auditives en ont fait jouer, puis c'est un peu à la frontière avec le prog, puis la musique, je sais pas comment dire ça, rock plus alternatif, mais j'ai beaucoup aimé Van der Graaf Generator, Do Not Disturb, Verbal Delirium, excellent disque de la Grèce, on n'aura pas le temps d'en écouter ce soir. Également The Rome Project qu'on aime bien Bruno et moi, entre autres, qui a joué et qu'on a découvert. Il y a Nathan de l'Italie qui ont aussi un bon disque. On n'aura pas le temps d'écouter ce soir. On va avoir un Big Big Train, par contre, une pièce de Big Big Train. Et All On également, que ça c'est un album super intéressant. On aura une pièce de All On aussi dans le prochain bloc. Alors on y va tout de suite avec, comme je le disais, Mad Fellas. Ah non, on va aller d'abord, ok, avec Violetta Diotono. Voilà. Violetta Diotono, ça a été mon coup de cœur des dernières semaines. Je vous en ai fait jouer un extrait le mois dernier et j'adore cet album-là. Spaces, on ira avec la pièce Ciudad Extinta de Violetta Diotono. On peut faire, comme je disais, là, un mélange dans les influences de Camel avec Gong. Alors, on écoute tout de suite ce groupe du Brésil. Thank you. well, consult your doctor. We'll be right back.

faire face, d'assumer ma démarche. Ton visage, je l'ai vu trop souvent dans la glace quand j'étais enfant. Le doute allonge les secondes, puisse-t-elle me porter des réponses?

C'è un fuoco dove vuole lei, dove il mio corpo più desidera. Paix et ordre parfait de l'amour, le feu. Mais un destin tragique à l'œuvre maléfique fiche à vivre sans pardon de ce peuple la raison. Et le mal gonfle à l'air du vent de l'orgueil. En tout lieu la guerre, le sang. C'est trop bon, hein? C'est le groupe québécois Maelstrom. Ils ont fait paraître leur premier album cette année. On les a eu en entrevue, des sympathiques musiciens. Très talentueux également. Cet album avait été enregistré il y a 40 ans, n'était jamais paru. Donc c'est la pièce légende pour le futur de Maelstrom. Juste avant, il y avait eu Il Paradiso degli Orchi, tiré de Il Corponote à la pièce... Pioggia. On avait eu également Big Big Train, tiré de Folklore, la pièce Wassail. On avait eu également Vector K, un groupe de Montréal, tiré d'Incident au Café, avec 714 Park Avenue. Et on avait débuté avec Mad Fellas de l'Italie, tiré de Mad Fellas 2. Et donc, c'est déjà tout pour l'émission ce soir. Ça passe tellement vite. C'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. On vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve en début 2017 pour d'autres émissions de Terra Incognita. À bientôt. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Ne change rien. Ne change rien. Ground control to Major Tom. Pour que tout soit différent. Check ignition and may God's love be with you. C'est KRL 89. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Signé et doublé. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? Pendant le temps des fêtes,